d'accord unique peut-être, mais sans tout cas pas de tête. L'amour c'est terriblement bête, c'est bête et puis c'est méchant. Apportez-le chez le marchand, utilisez votre argent pour quelque chose. Le vieux cancer.